Chateaubriand dans la biographie des hommes du jour, industriels, conseillers d'État, artistes, chambellans, députés, prêtres, militaires, écrivains, rois, diplomates, Gessaru et Saint-Edme, volume 3e, deuxième partie Henri Crabbe, 1837. Markham d'anarchive.org 2018 d'après Books Google et Fair page 30 à 45. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Napoléon Bonaparte et Chateaubriand. Paru le poème, Les Martyrs ou le Triomphe de la Religion Chrétienne, 1810, 2 volumes in 8e. Le public le n'accueillit pas d'abord, c'est ce qui semble prouver ce passage de la préface que Monsieur de Chateaubriand a mis en tête de l'édition de ses œuvres commencée en 1826. Voici un ouvrage que j'ai cru tomber pendant quelque temps, non qu'en ma conscience je le trouvasse plus mauvais que mes précédents ouvrages, mais la violence de la critique avait ébranlé ma foi d'auteur, et j'avais fini par être convaincu que je m'étais trompé. Quelques amis soutenaient que la condamnation n'était pas assez justifiée, et que le public, tôt ou tard, porterait un autre arrêt. Monsieur de Fontaine surtout n'hésitait pas. En effet, les martyrs se sont relevés seuls. Ils ont obtenu l'honneur de 4 éditions consécutives. Ils ont même joui auprès des gens de lettres d'une faveur particulière. Le poète a peint cette époque connue sous le nom d'ère des martyrs ou de Dioclétien. Note. Cette ère fut longtemps en usage dans l'Église, qui la faisait remonter au 24 août 284, quoique la persécution n'ait commencé que durant la 19e année du règne de Dioclétien, c'est-à-dire en 303. Fin de la note. Sa première pensée est de montrer que la religion des chrétiens l'emporte, sous le rapport de la poésie, sur la religion des Grecs et des Romains. C'était développer en action les principes consacrés dans la deuxième partie du génie du christianisme. Nous rendons hommage à la sublimité de la morale du Christ, mais vouloir trouver dans la religion qu'il a établie une poésie d'un intérêt plus élevé que dans la religion qui a produit Homère et Virgile, c'est pousser trop loin l'exagération. L'impossibilité d'une démonstration de ce genre nous explique le peu d'empressement qu'on mit à rechercher ce livre. Les critiques le relevèrent dans l'opinion, parce qu'ils y reconnurent le cachet d'un tel en vrai, original, surtout dans les descriptions, parce que le style leur en parut plus pur, plus dégagé de néologisme que dans les précédents ouvrages de l'auteur, quoique offrant moins de ces traits sublimes qui frappent et ravissent le lecteur. Nous croyons devoir encore citer Monsieur de Chateaubriand pour bien faire comprendre l'importance de son travail. J'ai commencé les martyrs à Rome, dit-il dans sa préface de l'édition des œuvres de 1826, tome 3, page 170, édition de 1836, dès l'année 1802, quelques mois après la publication du génie du christianisme. Depuis cette époque, je n'ai pas cessé d'y travailler. Les dépouillements que j'ai faits de plusieurs auteurs sont si considérables que, pour les seuls livres des Francs et des Gaulois, j'ai rassemblé les matériaux de 2 gros volumes. J'ai consulté des amis de goûts différents et de différents principes en littérature. Enfin, non content de toutes ces études, de tous ces sacrifices, de tous ces scrupules, je me suis embarqué, et j'ai été voir les sites que je voulais peindre. Que Monsieur de Chateaubriand jouisse en paix du noble fruit de ses peines, il a écrit un ouvrage qui fait honneur à la littérature de son pays. La franchise de notre opinion sur la production du poète nous donne le droit d'être sévère quant à l'homme. Monsieur de Chateaubriand a dit, page 467 de la préface que nous venons de citer, cet ouvrage me valut un redoublement de persécutions sous Bonaparte. Les allusions étaient si frappantes dans le portrait de Galerius et dans la peinture de la cour de Dioclétien, qu'elles ne pouvaient échapper à la police impériale. Mon malheureux cousin, Armand de Chateaubriand, fut fusillé à l'apparition des martyrs. En vain je sollicitais sa grâce, la colère que j'avais excitée s'en prenait même à mon nom. Il ne nous est pas permis de garder le silence, ce serait lâcheté de respecter les préoccupations d'un amour-propre qui trahit aussi audacieusement la vérité à son profit. Pour satisfaire à une prophétie de druide, Dioclétien devient le meurtrier d'un prince, il augmente les impôts, fait vendre les chrétiens comme esclaves, démolir leurs églises, brûler leurs livres, et finit par perdre la raison. Galerius, de gardeur de troupeaux, s'élève par degrés jusqu'à l'Empire, après avoir épousé la fille de Dioclétien et avoir usurpé la pourpre impériale sur son beau-père. Persécuteur des chrétiens, ses cruautés n'eurent point de borne. Il fit crucifier ou brûler ceux qu'il soupçonna de n'avoir pas déclaré exactement la quotité de leurs biens, et ordonna de noyer les pauvres, s'imaginant qu'ils cachaient leurs richesses afin de ne pas payer les impôts dont il avait surchargé les peuples. Sans instruction, il fut l'ennemi des gens de lettres. Napoléon était-il donc assez insensé pour se reconnaître sous les traits de Dioclétien et de Galerius? Voilà pour la première partie du passage rapporté, voici pour la seconde. En 1808, les royalistes de la Normandie firent proposer au duc de Berry de descendre sur leurs côtes, lui donnant l'espérance de rassembler un parti considérable. Gouillon et Armand de Chateaubriand furent dépêchés pour reconnaître l'état des choses. Ils se convainquirent de l'insuffisance des moyens présentés pour une entreprise aussi périlleuse, et poussèrent jusqu'à Paris, afin de s'entretenir avec différents royalistes à petites influences, tels que l'abbé Sicard et Léa. Armand quitta bientôt Paris et alla se cacher chez Monsieur de Boissé-Lucas, dans les environs de Dinan. Il loua la barque d'un pêcheur qui s'engageait à les conduire à Guernesey, fut rejeté sur la côte, s'embarqua de nouveau, fut assailli par une seconde tempête et renvoyé par les flots sur le rivage. Arrêté, conduit chez le maire de la commune, il y subit un interrogatoire et déclara être un négociant anglais naufragé. Le maire jugea à propos de le retenir et consulta le préfet de la Manche. Mais on venait de remettre à cet administrateur une boîte en fer, que la marée avait apportée dans les environs de Granville. La boîte révélant le mystère, anglais et boîte furent envoyés à Paris. Le procès s'instruisit, et Gouillon et Armand de Chateaubriand subirent dans la plaine de Grenelle le sort auquel devaient s'attendre deux émigrés agents de conspiration. Après ce simple récit des événements, peut-on admettre que la publication des martyrs ait été la cause de l'exécution d'Armand de Chateaubriand? Alors même que les événements que nous venons de rappeler ne parleraient point assez haut aux convictions, il nous en reste encore assez à dire pour éclairer les esprits les plus prévenus. Lors des travaux de la seconde classe de l'Institut, pour les prix d'essai Nolandis, lisez 1810, l'ouvrage de Monsieur de Chateaubriand, Le génie du christianisme, je ne me rappelle plus ni pourquoi, ni comment, n'avait point été compris dans l'examen. L'empereur ordonna qu'on lui fît un rapport spécial sur cet objet. On n'a pas su d'où lui venait cette fantaisie, et où cela allait, car les fantaisies de Bonaparte avaient toujours une direction. Quoi qu'il en soit, c'était traiter Monsieur de Chateaubriand comme Corneille. L'Académie, pour montrer toute l'impartialité possible, arrêta que 5 de ses membres, nommés au scrutin, donneraient chacun séparément leur opinion écrite. Le choix tomba sur messieurs Morellet, Boufflère, Regnault, Daru et moi. D'après ses travaux, lus en séance, elle énonça un jugement. Il y eut un ordre d'imprimer tous ces morceaux. Ils le furent. Ensuite, le ministre de l'Intérieur se fit remettre le tout. Napoléon avait chargé son ministre de témoigner à l'Institut combien il était étonné que le génie du christianisme ne fût pas même mentionné dans le rapport sur les prix décennaux. Il avait exigé un travail spécial sur ce sujet, dans la vue indubitablement de venger l'écrivain d'un pareil oubli, et il s'en serait pris au nom de Monsieur de Chateaubriand pour le punir de ses martyrs. Mais ce n'est pas tout. Chénier étant mort le 10 janvier 1810, Napoléon prit l'initiative pour indiquer à l'Institut la convenance d'appeler Monsieur de Chateaubriand au fauteuil vacant, de Carnet, notice avouée dans le dictionnaire de la conversation, page 587, colonne première. Le moniteur du 22 février 1811 donna, sous la date du 21, l'annonce suivante. Dans la séance d'hier, la classe de la langue et de la littérature française de l'Institut a élu, à la place vacante par la mort de Monsieur Chénier, Monsieur de Chateaubriand, auteur du génie du christianisme et des martyrs. Le concurrent qui a obtenu, après lui, le plus de suffrages, est Monsieur Lacretelle. Était-ce là encore de la colère qui s'en prenait au nom de Chateaubriand ? La biographie des hommes vivants, ouvrage dû à une plume amie de Monsieur de Chateaubriand, prétend que cet écrivain fut mis dans l'alternative d'accepter l'élection, ou d'être encore une fois banni de France. Nous ne sachions pas que Monsieur de Chateaubriand ait jamais été banni. Toutefois, nous devons dire qu'il nous a répété à nous-mêmes qu'il avait été dans l'obligation de choisir, et qu'il ne se décida qu'après avoir reçu de Monsieur Pasquier l'ordre de s'éloigner de Paris. Ces allégations ne nous paraissent pas avoir plus de poids que les précédentes, non que pour toute autre chose, nous n'ayons foi en Monsieur de Chateaubriand. Mais quand il s'agit de Napoléon, l'écrivain n'a plus la pensée libre, et notre confiance en lui s'affaiblit malgré nous. Quoi qu'il en soit, Monsieur de Chateaubriand accepta. En vérité, dans une question où il attachait son honneur, les appréhensions d'un malheur n'auraient point dû l'arrêter. Monsieur de Chateaubriand écrivit son discours et le confia à la commission de 5 membres institués, suivant l'usage, pour faire l'appréciation des morceaux de cette nature. Cette commission décida qu'il ne pouvait être prononcé publiquement. Les rumeurs que cela occasionna parvinrent jusqu'à Napoléon, qui se fit remettre le discours, le lut, et dit, suivant la biographie des hommes vivants, que, s'il eût été prononcé, il aurait fait fermer les portes de l'Institut, et jeter l'auteur dans un cul de basse fosse. Ces expressions mal choisies, que Monsieur l'imprimeur Michaud prête à Napoléon, sont contrariées par une communication beaucoup moins suspecte pour nous, et dont voici les termes. Monsieur de Chateaubriand possède l'original de son discours déchiré et l'a raturé au crayon par Bonaparte, surtout le morceau relatif à la liberté, et qui fit dire à Bonaparte que l'éloge de la fin du discours ne le trompait pas, que ce n'était que le passeport pour faire passer le reste, que si le discours eût été prononcé, il eût fait fermer les portes de l'Institut et jeter l'auteur du discours dans le donjon de Vincennes pour le reste de sa vie. Il a été trop souvent question de l'éloge de la fin du discours, pour que nous omettions de le citer textuellement. Voyageur solitaire, je méditais, il y a quelques jours, sur les ruines des empires détruits, et je vois s'élever un nouvel empire. Je quitte à peine des tombeaux où dorment des nations ensevelies, et j'aperçois un berceau chargé des destinées de l'avenir. De toutes parts retentissent les acclamations du soldat. César monte au Capitole, les peuples racontent des merveilles, les monuments élevés, les cités embellies, les frontières de la patrie baignées par ces mers lointaines qui portèrent les vaisseaux de Scipion et par ces mers reculées que ne vit point Germanicus. Tandis que le triomphateur s'avance entouré de ses légions, que feront les tranquilles enfants des muses? Ils marcheront à la suite du char pour joindre l'olivier de la paix aux palmes de la victoire, pour présenter au vainqueur la troupe sacrée des suppliants, pour mêler au récit des guerriers ces touchantes images qui faisaient pleurer Paul Émile sur les malheurs de Persée. Et vous, filles des Césars, sortez de vos palais, votre fils dans vos bras. Venez ajouter la grâce à la grandeur, venez attendrir la victoire et tempérer l'éclat des armes par la douce majesté d'une reine mère. Napoléon avouait plus tard que le discours de Monsieur de Chateaubriand avait excité sa vivacité impériale. Nous en puisons la certitude dans le Mémorial de Sainte-Hélène, édition de 1824, tome 4, pages 165 et suivantes, où Monsieur de Lacaze a consigné la pensée du grand proscrit. Note. Nous faisons de l'histoire. C'est le motif qui nous décide à extraire du mémorial ce qui touche à ce sujet. Un de ses grands officiers, de Napoléon, membre de l'Institut qui avait opiné vivement pour la lecture du discours, lui servit à l'un de ses couchers, a manifesté son opinion. Et depuis quand, monsieur, lui dit-il avec sévérité, l'Institut se permet-il de devenir une assemblée politique? Qu'il fasse des vers, qu'il censure les fautes de la langue. Mais qu'il ne sorte pas du domaine des muses, où je saurais l'y faire rentrer. Est-ce bien vous, monsieur, qui avez voulu autoriser une pareille diatribe? Que monsieur de Chateaubriand ait de l'insanité ou de la malveillance? Il y a pour lui des petites maisons ou un châtiment, et puis peut-être encore est-ce son opinion, et il n'en doit pas le sacrifice à ma politique, qu'il ignore, comme vous, qui la connaissez si bien. Il peut avoir son excuse. Vous ne sauriez avoir la vôtre, vous qui vivez à mes côtés, qui savez ce que je fais, ce que je veux. Monsieur, je vous tiens pour coupable. Pour criminel, vous ne tendez à rien moins qu'à ramener le désordre, la confusion, l'anarchie, les massacres. Sommes-nous donc des bandits, et ne suis-je qu'un usurpateur? Je n'ai détrôné personne, monsieur. J'ai trouvé, j'ai relevé la couronne dans le ruisseau, et le peuple l'a mise sur ma tête. Qu'on respecte ses actes. Analyser en public, mettre en question, discuter des faits aussi récents, dans les circonstances où nous nous trouvons, c'est rechercher des convulsions nouvelles, c'est être l'ennemi du repos public. La restauration de la monarchie doit demeurer un mystère. Et puis, qu'est-ce que cette nouvelle proscription prétendue des conventionnels et des régicides? Comment oser réveiller des points aussi délicats? Laissons à Dieu à prononcer sur ce qu'il n'est plus permis aux hommes de juger. Seriez-vous donc plus difficile que l'impératrice? Elle a bien des intérêts aussi chers que vous, peut-être, et bien autrement direct. Imitez sa modération, sa magnanimité. Elle n'a rien voulu entreprendre ni connaître. Et quoi? L'objet de tous mes soins, le fruit de tous mes efforts serait-il donc perdu? C'est donc à dire que si je venais à vous manquer demain, vous vous égorgeriez encore entre vous de plus belle. J'ai fait toute monte pour accorder tous les partis. Je vous ai réunis dans les mêmes appartements, fait manger aux mêmes tables, boire dans les mêmes coupes. Votre union a été l'objet constant de mes soins. J'ai le droit d'exiger qu'on me seconde. Depuis que je suis à la tête du gouvernement, m'a-t-on jamais entendu demander ce qu'on était, ce qu'on avait été, ce qu'on avait dit, fait, écrit, qu'on m'imite? On ne m'a jamais connu qu'une question, qu'un but unique. Voulez-vous être bon français avec moi? Et, sur l'affirmative, j'ai poussé chacun dans un défilé de granit sans issue à droite ou à gauche, obligé de marcher vers l'autre extrémité, où je montrais de la main l'honneur, la gloire, la splendeur de la patrie. La mercuriale fut si vive, que celui à qui elle s'adressait, homme d'honneur et de grande délicatesse d'ailleurs, se crut dans l'obligation de demander une audience le lendemain, voulant remettre sa démission. Cette audience lui fut accordée, l'empereur l'apercevant, lui dit « Mon cher, vous venez pour la conversation d'hier. Elle vous a affligé, et moi aussi. Mais c'est un avertissement pour beaucoup. S'il produit quelque bien, ce doit être notre consolation à tous deux. Qu'il n'en soit plus question. » Et il parla d'autre chose. Nous avons sous les yeux le discours qui nous occupe. Les éloges de l'auteur sont pour les hommes de l'opinion qu'il professe, pour Boufflers, l'abbé de Lille, Fontane, l'abbé Morellet, Ségur, Ducy, Renoir, Lojon, Parny, l'abbé Maury. La critique, pour Chénier, poète, dans les ouvrages duquel on découvre le germe d'un talent remarquable, qui, dans ses tragédies, a altéré l'histoire, et dans ses satires, immolé des hommes placés au premier rang. Le blâme, pour Marie-Joseph de Chénier, politique, qui eût été plus heureux s'il n'eût vu d'autre ciel que le ciel de la Grèce sous lequel il était né, pour ces temps de délire où personne n'avait l'usage entier de sa raison. Les regrets, pour les victimes d'une révolution qui a rendu le nom français impérissable. Nous ne le nions pas. Monsieur de Chateaubriand, penseur et poète, se retrouve brillant et hardi dans ce discours, mais injuste et pamphlétaire. Il voulait du bruit, il y en eut. C'est mourir que ne pas faire parler de soi. Le duc de Rovigo engagea Monsieur de Chateaubriand à faire un autre discours, il s'y refusa. Il alla à Dieppe et revint à Aunay, afin d'être plus à portée de soigner l'impression de son itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris. En allant par la Grèce, et revenant par l'Égypte, la Barbarie et l'Espagne. Cet ouvrage parut au commencement de l'année 1811 en 3 volumes in 8e. La 4e édition est de 1822. La 5e forme les tomes 8, 9 et 10 de l'édition des œuvres commencées en 1826. En 1850 parurent la 6e, chez Le Dentu, et la 7e, chez Fournier, 4 volumes in 12e. La 8e est de 1834, la 9e fait partie du tome 2 des œuvres de 1836. Cadet-Gassicourt avait eu déjà la fantaisie de parodier le style de Monsieur de Chateaubriand, de Madame Stahl, et de leur école, lorsqu'il publia, en 1807, Saint-Géran ou la nouvelle langue française, anecdote récente, in 12, et la suite de Saint-Géran. À l'apparition de l'itinéraire de Paris à Jérusalem, Cadet-Gassicourt rentra dans la lice et fit paraître son itinéraire de Lutèce au Mont Valérien, en suivant le fleuve Secanien et revenant par le Mont des Martyrs, Suite de Saint-Géran, 1811, in 12e. Cet ouvrage a encore été parodié sous le titre de Itinéraire de Pantin au Mont Calvaire, ou Lettres inédites de chaque tasse à Attella, par Monsieur de Château-Terne, René Perrin. Paris, 1812, in 8e. Je n'ai point fait un voyage pour l'écrire, a dit Monsieur de Chateaubriand, édition des œuvres de 1836, tome 2, page 195, première colonne. J'avais un autre dessin. Ce dessin, je l'ai rempli dans les martyrs. J'allais chercher des images. Voilà tout. Je n'ai pu voir Sparte, Athènes, Jérusalem, sans faire quelques réflexions. Ces réflexions ne pouvaient entrer dans le sujet d'une épopée. Elles sont restées sur mon journal de route. Je prie donc le lecteur de regarder cet itinéraire moins comme un voyage, que comme des mémoires d'une année de ma vie. Toutefois, l'on aurait tort de penser que je livre au jour un ouvrage qui ne m'a coûté ni soin, ni recherche, ni travail. On verra que j'ai scrupuleusement rempli mes devoirs d'écrivain. Ce voyage coûta 50 000 francs à l'auteur, de grandes fatigues et de nombreuses contrariétés, mais il lui valut, avec l'honneur de bien déterminer l'état de plusieurs ruines fameuses, avec l'avantage, incertain alors, de rapporter une bouteille d'eau du Jourdain, la gloire de pouvoir porter la décoration de l'ordre du Saint-Sépulcre appendue à la boutonnière de son habit. Et puis, à quoi ne peut soumettre l'amour de la science unie au plaisir de courir après des événements inattendus? Dans l'examen de cet ouvrage, inséré au Moniteur du 5 avril 1811, Monsieur de Laborde rendit à l'auteur les compliments qu'il en avait reçus dans le Mercure. « Ce n'est point uniquement, dit-il, le travail d'un savant, ou le voyage d'un homme du monde, ou les descriptions d'un poète, c'est la réunion des facultés de tous ces écrivains. » En effet, son ouvrage ressemble au portefeuille d'un peintre qui a recueilli sur la nature un nombre d'études suffisantes pour composer un grand tableau, Moniteur du 5 avril 1811. Ces éloges sont mérités. Nous ajouterons que les recherches et les annotations de ce livre prouvent dans Monsieur de Chateaubriand beaucoup de savoir, de tact et de jugement. Plusieurs pamphlétaires ont prêté à Monsieur de Talleyrand un jugement sévère sur cette sorte de journal de voyage littéraire. Ils lui ont fait dire « Il y a dans l'itinéraire beaucoup trop d'esprit pour un livre de poste, et pas assez de talent pour un ouvrage. » Monsieur de Talleyrand, qui avait donné à l'auteur une lettre de recommandation pour Monsieur Fauvel, alors consul de France à Athènes, qui s'est maintes fois exprimé sur son compte en termes pleins de bienveillance, n'a pu blesser ainsi les convenances et la vérité. Cette composition remarquable, renfermant des phrases sur la gloire de nos soldats et de leur empereur, chacun les attribua, suivant ses opinions, les uns à un ordre du duc de Rovigo, les autres à un pur intérêt de librairie. Nous rejetons ces deux versions parce qu'elles nous semblent basées sur des impossibilités. Nous croyons que Monsieur de Chateaubriand, enthousiaste des grandes actions militaires, se trouvant dans un pays où le nom français donne de la vie aux souvenirs, n'aura pu se défendre, en rédigeant ses notes sur les lieux mêmes, en jouissant des avantages et des honneurs que lui valait sa qualité de citoyen de la France impériale, d'un certain laisser-aller de vanité inhérent à son caractère. Au surplus, personne ne songea à les lui reprocher. Elles entraient d'ailleurs dans les habitudes littéraires de Monsieur de Chateaubriand, qui n'avait point encore pensé jusque-là à arracher la couronne de laurier dont était ombragée la tête du conquérant de l'Europe. Voyez les pages 307, 309, 313, 314, 353, 388, 390 du tome 2 de l'édition des œuvres de 1836. Cette publication fut suivie de tentatives sérieuses de la part de M. de Chateaubriand pour obtenir la permission de faire réimprimer son essai sur les révolutions. Dans la vue de plaire au maître, auquel il supposait du mécontentement, et aussi parce que l'auteur s'était placé au rang le plus élevé parmi les gens de lettres, des journalistes, des roquets littéraires s'épuisaient à l'attaquer à propos de cet ouvrage, qu'il ne connaissait qu'imparfaitement, puisque, à l'exception de Gingenet, l'ARP de Sales, qui possédait des exemplaires envoyés directement de Londres, il n'existait en France que de mauvaises contrefaçons tronquées et en très petit nombre. Monsieur de Chateaubriand avait donc un intérêt de réputation à satisfaire. Il écrivit, le 17 novembre 1812, au général baron de Pomerol, directeur général de l'imprimerie et de la librairie, pour réclamer l'autorisation d'imprimer. Dès le lendemain, dit Monsieur de Chateaubriand, œuvre, édition de 1836, tome 1, page 8, préface de 1826. Monsieur de Pomerol me répondit la lettre suivante, écrite tout entière de sa main. En ce temps d'usurpation, on se piquait de politesse, même avec un homme en disgrâce, même avec un émigré. Monsieur de Pomerol refuse la permission que je lui demande, mais comparez le ton de sa lettre avec celui des lettres qui sortent aujourd'hui des bureaux d'un directeur général, ou même d'un ministre. Monsieur de Pomerol ne refusa pas, il répondit qu'il allait mettre la demande sous les yeux du ministre, alors Monsieur de Montalivet. Le 24, il instruisit Monsieur de Chateaubriand de la décision du ministre, qui exigeait, conformément au décret sur la matière, que l'ouvrage fût soumis à la censure. Monsieur de Chateaubriand craignit les suppressions, il attendit et fit bien. Nous compléterons les faits qui se rapportent à ce livre, lorsque nous aurons à nous occuper de la publication des œuvres complètes, faites en 1826. Nous devons passer à une nouvelle série d'événements, Monsieur de Chateaubriand étant resté à l'écart jusqu'au 30 mars 1814. Restauration. Une vie nouvelle va commencer pour Monsieur de Chateaubriand. L'homme de la science, le poète des images, le peintre des sentiments du cœur, va échanger sa plume si brillante de coloris contre le stylet du pamphlétaire. Ses pas vont pénétrer dans la lisse des factions. À cette imagination d'une activité prodigieuse, il faut des choses neuves qui la remuent et l'exaltent par d'autres voies que celles qu'elle a déjà parcourues. Au besoin de la renommée littéraire succède le besoin du mouvement politique. Et derrière cette exigence qui l'entraîne, peut-être trouverait-on, en cherchant bien, l'emportement de la vengeance et les espérances de l'ambition. Les malheurs de la France l'encouragent, il écrit. Les princes de l'Europe, réunis et armés contre nous, sont sous les murs de la capitale, il publie son cri de guerre, il déploie son drapeau insurrectionnel. Nobles et soldats, il avait abandonné son roi à la hache révolutionnaire. Français, émigrés pardonnés, il sonnait la cloche d'alarme devant l'ennemi vainqueur, jetait un brandon de discorde dans son pays. Insultait grossièrement aux vaincus qu'il ne pouvait plus craindre, dont il ne croyait plus avoir à subir la générosité. Le 31 mars 1814, jour de l'entrée des Alliés dans Paris, parut la brochure de Bonaparte, des Bourbons et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l'Europe. Cet ouvrage, qui eut tout le succès des écrits de faction, n'était pas dépourvu de quelque mérite, quoiqu'il ne contînt ni un fait jusque-là ignoré, ni une idée nouvelle. Exaltation d'idées, menaces alarmantes, assertions audacieuses, inductions perfides, style concis et animé, nuls ornements d'éloquence superflue. Toutes ces conditions du libellé étaient éminemment observées. Ce jugement des auteurs de la biographie dite de Bruxelles, ne faisant pas suffisamment connaître la manière de l'auteur, nous citerons la dernière page de l'introduction à la troisième édition. Les derniers moments de Bonaparte, dit Monsieur de Chateaubriand, justifient assez mon opinion sur cet homme. J'avais prévu depuis longtemps qu'il ne ferait point une fin honorable, mais je confesse qu'il a surpassé ce que j'attendais de lui. Il n'a conservé dans son humiliation que son caractère de comédien et d'imitateur. Il joue maintenant le sang-froid et l'indifférence. Il se juge lui-même. Il parle de lui comme d'un autre, de sa chute comme d'un accident arrivé à son voisin. Il raisonne sur ce que les Bourbons ont à craindre ou à espérer. C'est ainsi là, un Dioclétien, comme auparavant c'était un Alexandre et un Charlemagne. Il veut paraître insensible à tout, et peut-être l'est-il en effet. Une certaine joie cependant éclate à travers son apathie. On voit qu'il est heureux de vivre. Ne lui envions point son bonheur. Quand on fait pitié, on n'est plus à craindre. Le mépris ne descendit jamais si bas, la forfanterie bretonne n'alla jamais plus loin. Et il s'agissait de la plus grande figure historique des temps modernes. Et les injures découlaient d'une plume qui n'était encore que la plume d'un poète, d'un homme qui cédait à une impression instantanée de colère, qui n'avait aucune idée des affaires publiques, auxquelles il n'était pas propre, qui se faisait ainsi l'auxiliaire d'étrangers couverts du sang français, d'étrangers au milieu desquels il avait porté les armes contre nous. Plus tard, l'auteur de cet écrit infamant se fit justice. Lorsqu'il publia, en 1827, son voyage en Amérique, il y glissa ces phrases. Washington n'appartient pas, comme Bonaparte, à cette race des Alexandres et des Césars, qui dépasse la stature humaine. Il n'est point aux prises avec les capitaines les plus habiles et les plus puissants monarques du temps. Il ne traverse point les mers, il ne court pas de Memphis à Vienne, de Cadix à Moscou. Bonaparte n'a aucun trait de ce grave américain. À l'instar des dieux d'Homère, il veut arriver en quatre pas au bout du monde. Il paraît sur tous les rivages, il inscrit précipitamment son nom dans les fastes de tous les peuples. Il jette en courant des couronnes à sa famille et à ses soldats. Il se dépêche dans ses monuments, dans ses lois, dans ses victoires. Penché sur le monde, d'une main il terrasse les rois, de l'autre il abat le géant révolutionnaire. Tant qu'il se débat contre la mort, faible et enchaîné sur un rocher, l'Europe n'ose déposer les armes. Il ne s'aperçut pas que les miracles de sa vie dépassaient de beaucoup la valeur d'un diadème. Et dans la préface générale des œuvres, édition de 1826, les hommes de 25 ans qui vont prendre nos places n'ont point connu le siècle dernier. Les premiers regards de ces générations cherchèrent en vain la légitimité assise sur le trône, emportée qu'elle était déjà, depuis cette année, par la Révolution. Le géant qui remplissait le vide immense que cette légitimité avait laissé après elle, d'une main touchait le bonnet de la liberté, de l'autre la couronne. Il allait bientôt les mettre à la fois sur sa tête. Et seul il était capable de porter ce double fardeau. Et dans la préface de 1828, en 1814, j'ai peint Bonaparte et les Bourbons. En 1827, j'ai tracé le parallèle de Washington et de Bonaparte. Mes deux plâtres de Napoléon ressemblent, mais l'un a été coulé sur la vie, l'autre modelé sur la mort. Et la mort est plus vraie que la vie. Cessant lui-même d'avoir un intérêt à garder contre moi sa colère, Bonaparte m'avait aussi pardonné et rendu quelque justice. Un article où je parlais de sa force étant tombé entre ses mains, il dit à Monsieur de Montholon, « Si, en 1814 et en 1815, la confiance royale n'avait point été placée dans des hommes dont l'âme était détrempée par des circonstances trop fortes, ou qui, renégat à leur patrie, ne voient de salut et de gloire pour le trône de leur maître, que dans le joug de la Sainte Alliance, si le duc de Richelieu, dont l'ambition fut de délivrer son pays des baïonnettes étrangères, si Chateaubriand, qui venait de rendre à Gand d'éminents services, avait eu la direction des affaires, la France serait sortie puissante et redoutée de ces deux grandes crises nationales. Chateaubriand a reçu de la nature le feu sacré, ses ouvrages l'attestent. Son style n'est pas celui de Racine, c'est celui du prophète. Il n'y a que lui qui ait pu dire impunément, à la tribune des pairs, que la redingote grise et le chapeau de Napoléon, placé au bout d'un bâton sur la côte de Brest, ferait courir l'Europe aux armes. Si jamais il arrive au timon des affaires, il est possible que Chateaubriand s'égare, tant d'autres y ont trouvé leur perte. Mais, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est grand et national doit convenir à son génie, et qu'il repoussait avec indignation ces actes infamants de l'administration d'alors. Une mémoire pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, par Monsieur de Montholon. Note concernant la citation « Courir l'Europe aux armes ». Voici le passage auquel Napoléon fait allusion, et qu'il avait mal retenu. Jeté au milieu des mers où le Camoens plaça le génie des tempêtes. Bonaparte ne peut se remuer sur son rocher sans que nous ne soyons avertis de son mouvement par une secousse. Un pas de cet homme à l'autre pôle se ferait sentir à celui-ci. Si la Providence déchaînait encore son fléau, si Bonaparte était libre aux États-Unis, ses regards, attachés sur l'océan, suffiraient pour troubler les peuples de l'Ancien Monde. Sa seule présence sur le rivage américain de l'Atlantique forcerait l'Europe à camper sur le rivage opposé. Œuvre, édition de 1836, tome 5, page 487, deuxième colonne. Fin de la note. Pour Monsieur de Chateaubriand, ces paroles de Napoléon ne sont autre chose que quelque justice qu'il lui a rendue. La passion rend ingrat. Cette brochure eut une influence funeste. Note. Les réfutations ne purent avoir lieu qu'en 1815, pendant les 100 jours. Les bibliographes n'en citent cependant que deux, l'une de Baille, l'autre de Bourg. Cette brochure donc excita les mécontentements, encouragea les trahisons, aida Talleyrand à tromper Alexandre, et disposa la France à passer sous le joug des Bourbons, oubliés d'elle, naguère l'objet de ses mépris, et qu'ils allaient bientôt traiter à titre de conquête. Sortie de la plume d'un Prussien, elle eût été de bonne guerre. Venue d'un Français, elle était criminelle, et l'auteur s'est condamné lui-même en disant ailleurs, « In. Réflexion politique, page 26 de l'édition de 1814, page 54 du tome 5 de l'édition des œuvres de 1836. Quiconque publie un ouvrage dans le but d'aigrir les esprits, de fomenter des divisions, est coupable. Monsieur de Chateaubriand poursuivit sa mission politique en publiant, premièrement, Compiègne, avril 1814, compte rendu de l'arrivée de Louis XVIII à Compiègne, édition des œuvres de 1836, tome 5, page 22. Deuxièmement, de l'état de la France au 4 octobre 1814, amplification pour prouver que, de tous les miracles qui se sont opérés depuis quelques années, aucun n'est plus frappant que le bonheur actuel de la France. Édition des œuvres de 1836, tome 5, page 24. Le bonheur de la France, à l'époque de l'envahissement du pays par les étrangers, les Bourbons et les émigrés. Troisièmement, réflexion politique sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français, décembre 1814. Elles eurent deux éditions dans le même mois, tome 24 de l'édition des œuvres de 1826, tome 5, page 29 de l'édition de 1836. Il est utile que nous nous arrêtions un moment sur ce dernier ouvrage. Si l'on en croit Messieurs Michaud, une biographie des hommes vivants, l'esprit de ce long factum en faveur de la royauté bourbonienne a été dicté et suivi par Louis XVIII, ce qui serait honorable pour ce prince, car, malgré de nombreuses concessions, il est en partie rédigé dans la vue d'imposer un frein à l'immodération des désirs et des espérances de la noblesse et de l'émigration. Si nous disons en partie, c'est que la moitié de l'œuvre est loin d'engager à la conciliation. Elle est dirigée, d'abord, à propos du mémoire de Carnot, contre les conventionnels qui ont voté la mort de Louis XVI, et il est probable qu'elle n'a point été absolument étrangère à l'ordonnance d'exil et de mort du 24 juillet 1815. Ensuite, elle appelle l'intérêt des gouvernants sur cette classe d'émigrés dépouillés de leurs biens et si malheureux, préparant ainsi doucement l'opinion aux milliards d'indemnités qui leur fut donnée plus tard et quand on vit l'impossibilité de toucher à la vente des biens nationaux. Elle répond aux critiques principales dont le gouvernement était l'objet, cherche à justifier les princes de toutes les accusations, fait l'éloge de la miséricorde de Louis XVIII, défend la noblesse et surtout la charte, qu'elle dit convenir à tout le monde et garantir le trône. Nous avons avancé, d'après Messieurs Michaud, que l'on pouvait revendiquer pour Louis XVIII une part de collaboration dans cette brochure. Nous retrouvons dans la biographie dite de Bruxelles, notice de Bonnet de Trèche, tome 2, page 272, première colonne, une circonstance qui vient appuyer l'assertion de Messieurs Michaud. L'auteur de cette notice affirme que les montagnards de la Convention auraient vu avec plaisir que les hommes d'État obtinssent l'appel au peuple, afin d'avoir un prétexte d'immoler d'un seul coup et les votants pour l'appel et le roi. Puis il ajoute: Monsieur de Chateaubriand a reconnu lui-même cette vérité, dans sa réponse, publiée en 1814, aux mémoires de Monsieur Carnot. Louis XVIII fit recommander par le bureau la lecture à la Chambre des députés, de l'opinion du noble père, comme contenant l'opinion personnelle du monarque. Cet écrit est ménagé d'injures à Napoléon. On n'y trouve guère que celle-ci. Napoléon était étranger à la France, ses actes étaient les folies d'un barbare. Malgré ces inconvenances historiques, Monsieur de Chateaubriand commençait-il déjà à s'amender? Une fois entré dans le chemin des lettres politiques, nouveauté dans laquelle il convenait à son caractère d'espérer une gloire plus élevée et plus positive, Monsieur de Chateaubriand ne devait plus s'arrêter. L'année 1815 fut pour lui une de ses années les plus laborieuses et les plus profitables. Le 19 janvier parut chez Le Normand une brochure de 24 pages, sous ce titre, le 21 janvier 1815. C'était la reproduction d'un article du journal des débats du même jour, œuvre de 1836, tome 5, page 142. Comme principe, on y lit « Chez presque tous les peuples on a vu de grands crimes, et partout on a établi des sacrifices pour les expier. Ces exemples se réduisent à trois, ayant quelque rapport avec son sujet, depuis le commencement du monde connu. Comme but, on y voit l'intention de justifier l'érection du monument expiatoire de la rue d'Anjou et les cérémonies de l'exhumation des restes douteux de Louis XVI et de Marie-Antoinette, toute chose qui viole à l'article 11 de la charte, article qui commandait l'oubli des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration. C'était par ce mot de restauration que la charte de 1814 désignait le retour inespéré des Bourbons. Au mois de février il publia « De l'excommunication des comédiens », œuvre de 1836, tome 5, page 146, mélange de politique, à Paris, 1816, 2 volumes in 8e. La scène scandaleuse qui s'était passée aux obsèques de Mademoiselle Raucourt, morte le 15 janvier, avait donné lieu à ce travail. L'auteur se borne à espérer de la sagesse du clergé qu'il prendra en considération le changement des mœurs et des temps. Et, quelques années plus tard, le même événement marquait la mort de Philippe. Note. Mademoiselle Raucourt donnait beaucoup à l'église, et le curé Marduel, qui trouvait bien de recevoir ses aumônes, aurait dû, par reconnaissance si ce n'est par charité, ne pas lui refuser la porte de son temple. Ce fut pendant ce mois de février qu'il écrivit la notice nécrologique du général Nansouty, à la prière de sa veuve, Adélaïde de Vergennes, œuvre de 1836, tome 4, page 595-686. Il loue ce général d'être mort bourbonien et catholique. La phrase la plus remarquable de cette notice est celle-ci. Nommé premier chambellan de Madame Joséphine Bonaparte, alors impératrice, il donna bientôt sa démission. Monsieur de Chateaubriand approuverait-il aujourd'hui qu'en parlant de l'archiduchesse, épouse de Louis XVI, un écrivain dit « Madame Marie-Antoinette Capet » Il y a puérilité dans cet excès de l'opinion. Monsieur de Chateaubriand, nommé ministre plénipotentiaire près la cour de Suède, ne vit dans cette mission qu'une honorable disgrâce et retarda son départ. Il était encore à Paris quand, selon la belle expression de Monsieur de Salgues, l'ogre s'échappa de sa cage de fer. Au lieu de se rendre à Stockholm, l'ambassadeur suivit son roi à Gand et devint l'un des ministres de son cabinet. Il rédigea alors le fameux rapport sur l'état de la France, fait au roi dans son conseil, mai 1815, Gand. Mai 1815, brochure de 65 pages, moniteur de Gand, le libraire Le Normand a reproduit ce rapport dans les mélanges de politique, qu'il publia, en 1816, en deux parties in 8e. On le retrouve dans l'édition des œuvres commencées en 1826, tome 25 qui a paru en 1828. Œuvre de 1836, tome 5, page 62. Napoléon pensa que cette pièce, émanée d'un littérateur bien plutôt que d'un homme initié aux secrets et aux choses politiques, était propre à servir son gouvernement, et il la laissa réimprimer circuler librement en France. Monsieur Regnault de Warin la publia avec une réfutation précédée d'un avant-propos dont voici le premier paragraphe. Si, pour éveiller la curiosité des oisifs et amuser les passions de l'esprit de parti, il suffit de tracer, sous la dictée d'une imagination brillante, mais préoccupée, des tableaux fantastiques ou du moins exagérés, Monsieur de Chateaubriand a, dans ce nouvel écrit, rempli ce double objet. Mais si les riches couleurs de l'éloquence et tous les prestiges du talent ne sont déployés que pour décorer l'imposture ou pour étayer la calomnie, de quel tort ne se rend pas coupable l'écrivain qui consacre au triomphe de l'erreur la plume ingénieuse dont le ciel le dota pour le triomphe de la vérité? Et si ce même écrivain, affectant la gravité de l'homme d'État, remplit ses pages mensongères des noms de religion, de patrie, de liberté, et, à la faveur de ces noms puissants et sacrés, déchaîne le fanatisme, provoque l'invasion, préconise l'esclavage, quel sentiment doit inspirer son attentat? De quelle qualification flétrir un livre où les principes éternels sont immolés aux préjugés du moment, où la voix souveraine de la raison publique est étouffée par la révolte et dans le tumulte des passions? Paris, juin 1815, page 3. Ce jugement est sévère, mais il est plein de logique. Ce rapport, dit Monsieur de Carnet, est plutôt un beau morceau littéraire qu'une œuvre politique. Un autre rapport au roi dans son conseil, sur le décret de Napoléon Bonaparte du 9 mai 1815, fut inséré à la même époque dans le Moniteur de Gand avec une ordonnance royale d'annulation de ce décret. Arme innocente des Bourbons de ce temps, ce rapport est sans aucune importance. Édition des œuvres commencées en 1826, tome 25, 1828, œuvre de 1836, tome 5, page 82. Nous avons sous les yeux une note particulière ainsi conçue. On fit en France une édition interpellée de ce rapport. On voulut, à la rentrée de Louis XVIII, priver de sa place l'auteur de cette interpolation. Monsieur de Chateaubriand la lui fit conserver. Malgré nos recherches, nous n'avons pu trouver cette édition interpellée ni parvenir à savoir le nom de son auteur. La déclaration du Congrès de Vienne, du 12 mai, donna naissance à un travail que Monsieur de Chateaubriand intitula « De la déclaration du Congrès » et qui parut dans le Moniteur de Gand, édition des œuvres commencées en 1826, tome 25, 1828, œuvre de 1836, tome 5, page 79. On y lit ce passage. On nous assure que Bonaparte est bien changé. Non, ce n'est pas à 45 ans, quand on est né sans entrailles, quand on s'est enivré du pouvoir absolu, que l'on change dans l'espace de 8 mois. Bonaparte, traîné par des commissaires à l'île d'Elbe, se cachant sous leurs pieds pour se soustraire aux vengeances du peuple, n'a pas été anobli par le malheur, mais dégradé par la honte. Il n'y a rien à espérer de lui. Page 79, deuxième colonne, tome 5 de l'édition de 1836. On verra plus loin que nos citations ne sont pas faites sans motif. Plusieurs écrivains ont avancé que Monsieur de Chateaubriand avait été le collaborateur de Monsieur Guizot au Moniteur de Gand. C'est une erreur. Ce journal universel était fait par tout le monde. Le plus grand nombre des articles politiques qui s'y trouvaient de Monsieur le Comte de Lally-Tollendal. Les auteurs de la biographie dite de Bruxelles, si riches cependant en faits exacts, se sont également trompés lorsqu'ils ont prêté à Monsieur de Chateaubriand cette réponse à un libraire de Bruxelles, qui lui proposait l'impression de ses ouvrages. Ministre du roi, et non point auteur de profession, je ne fais de la littérature qu'un amusement. Le peintre de René nous a affirmé n'avoir jamais tenu un pareil propos à un libraire de Bruxelles. Après la seconde abdication, Monsieur de Chateaubriand rentre à Paris avec son roi et devient un personnage politique. Nous scindrons par année, et pour l'époque de la Restauration seulement, le travail qui nous occupe, parce que les circonstances de la vie de l'auteur se sont multipliées, et que nous tenons à éviter la confusion. 1815. Suite. 9 juillet, nommé ministre d'État. 26 juillet, nommé président du collège électoral du Loiret. 19 août, nommé pair de France. 22 août, il préside le collège du Loiret. Son discours d'ouverture est remarquable par l'exagération des principes. En le relisant aujourd'hui, on demeure convaincu que sa position et ses relations pendant son séjour à Gand l'avaient entraîné dans des engagements condamnables avec les ultras de ce temps. Dans ce discours d'apparat, il fait l'éloge le plus pompeux de l'ancienne monarchie et des Bourbons revenus. Après avoir dit que, sous le tyran, le peuple se tuait qu'il ne retrouva la voie que sous le roi légitime, il donne aux électeurs des conseils en désaccord avec son opinion. Il faut choisir les bons, écarter les méchants, cesser de croire que l'esprit, le talent, l'énergie, sont le partage exclusif de quiconque a manqué à ses devoirs, et qu'il n'y a d'habile que le pervers. Puis, il réclame l'exclusion de tous les hommes qui ne se sont pas fait connaître pour leur dévouement aux Bourbons. Un trait qui peint parfaitement l'esprit réactionnaire de 1815, c'est que le collège voulut entendre deux fois la lecture de ce discours, qu'il en ordonna l'impression, l'insertion au procès verbal et le dépôt aux archives du département. Moniteur, page 855, 959, œuvre de 1826, tome 23, Opinion et discours, œuvre de 1836, tome 5, page 291. 5 septembre, Monsieur de Chateaubriand présente la députation du Loiret au roi, en lui disant « Ce n'est pas sans une vive émotion que nous venons de voir le commencement de vos justices. Vous avez saisi ce glaive que le souverain du ciel a confié au prince de la terre pour assurer le repos des peuples. Vos mains royales ne s'étaient levées jusqu'ici que pour absoudre les coupables et pour répandre des bénédictions. Mais, en sentant tout ce que cet effort a dû coûter au cœur du roi, en pleurant avec véhémence sur des hommes qui n'auraient pas pleuré sur nous, nous ne nous dissimulons pas que le moment était venu de suspendre le cours de votre inépuisable clémence. » Moniteur, page 984, Biographie Michaud, homme vivant. Biographie de Bruxelles. C'est avec de pareilles flatteries qu'on poussa Louis XVIII dans une voie pernicieuse, où l'attiraient déjà les préjugés et les mauvais penchants de l'émigration. Ce qui rend l'action de ce discours extrêmement reprochable, c'est la présence de l'étranger dans nos murs. 19 septembre. Est nommé l'un des 24 membres du Conseil privé. 9 octobre. Dans cette première séance de la pairie depuis les événements, Monsieur de Chateaubriand est nommé membre de la commission de l'adresse. À la Chambre, Monsieur de Chateaubriand fut successivement nommé vice-secrétaire du premier bureau et membre de la commission des pétitions. Le 19 décembre, Il y eut un discours d'une très grande étendue sur l'inamovibilité des juges, contre laquelle il vota, attendu que le projet contraire qu'il appuyait tendait à augmenter la prérogative royale. Œuvre de 1826, tome 23. Œuvre de 1836, tome 5, page 293. 1816, 9 janvier. Opinion relative au deuil du 21 janvier. Il appuie la résolution de la Chambre des députés sur le deuil général imposé à la France. Il demande que le roi soit humblement supplié d'ordonner qu'un monument sera élevé à la mémoire de Louis XVI, au nom et aux frais de la nation. On pense bien que les régicides et les révolutionnaires ne furent pas oubliés par le père du 19 août. Ils ont méconnu leur second père, dit-il. La patrie ne les connaît plus. Leur propre fureur a effacé la clause du testament de Louis XVI, qui les mettait à l'abri. La justice a repris ses droits, et le crime a cessé d'être inviolable. Œuvre de 1836, tome 5, page 304. 10 février. Opinion sur la révolution de la Chambre des députés, ayant pour objet d'autoriser les églises à recevoir des dotations en fonds de terre. Monsieur de Chateaubriand vota en faveur, demandant, en outre, la liberté entière de l'administration ecclésiastique. C'est dans cette opinion qu'il soutint ce sophisme que Napoléon a plus nuit tout seul à la religion que tous les révolutionnaires ensemble. Idem page 507. Note. On a lu à l'empereur un discours de Monsieur de Chateaubriand pour rendre le clergé apte à hériter. C'était, observait-il, un discours d'académie, et non pas une opinion de législateur. Il y avait beaucoup d'esprit, fort peu de sens, aucune vue. Lacaze, Mémorial, édition de 1824, tome 4, page 166. 22 février, discours à l'occasion de la lecture de la lettre de Marie-Antoinette à Madame Élisabeth, dans lequel il proposa d'envoyer une grande députation au château, et de charger le président de supplier le roi de permettre que le nom de la Chambre des Pairs ne soit point oublié dans les monuments qui doivent servir à éterniser les regrets et le deuil de la France. Idem page 314. 12 mars. Opinion contre la résolution de la Chambre des députés sur la continuation du paiement des pensions aux prêtres mariés. Prétendant que personne n'estime les prêtres mariés. Idem page 316. Monsieur de Chateaubriand avait été de la commission chargée de l'examen de la question. 21 mars. Ordonnance qui divise l'Institut en quatre académies, et nomme Monsieur de Chateaubriand de la première, Académie française. Le discours d'usage ne fut pas prononcé. 3 avril. Opinion relative au projet de loi sur les élections, favorable à l'intégralité du renouvellement de la Chambre des députés. 9 avril. Développement d'une proposition tendant à supplier le roi d'ouvrir des négociations avec les puissances barbaresques pour l'abolition de l'esclavage des Blancs. La Chambre agréa cette proposition. Le Moniteur du 7 mai suivant fit ainsi connaître l'existence d'une société nouvelle. Messieurs les chevaliers souscripteurs pour l'abolition de l'esclavage des Blancs, aussi bien que des Noirs en Afrique, et autres personnes invitées par eux, se sont réunis rue Grange-Batelière, le 15 avril 1816. Monsieur de Chateaubriand ayant remis son discours au président, lecture en fut donnée pendant le banquet, afin d'exciter la libéralité des convives. Il paraît qu'il fallait être chevalier pour appartenir à cette association. 21 juillet, membre de la commission nommée par le roi pour préparer un projet de loi ou ordonnance sur l'instruction publique. Septembre. Publication de la monarchie selon la charte. Une ordonnance du roi venait de dissoudre la Chambre des députés, comme dépassant les limites du possible dans les exigences de son zèle. Monsieur de Chateaubriand défendit cette chambre qu'il croyait n'être composée que de royalistes purs. Il interpréta les intentions de son roi, qui lui répondit par l'ordonnance suivante, contresignée par le duc Richelieu. Le vicomte de Chateaubriand ayant, dans un écrit imprimé, élevé des doutes sur notre volonté personnelle manifestée par notre ordonnance du 5 septembre, présent moi, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Le vicomte de Chateaubriand cessera dès ce jour d'être compté au nombre de nos ministres d'État. Donné en notre château des Tuileries, le 20e jour de septembre, etc. Note. Monsieur de Chateaubriand ne tenait pas beaucoup sans doute à ce titre, puisqu'il dit dans la préface de 1816, on pourrait me dire, parler dans le conseil. Mais ce conseil ne s'assemble pas. À quoi servait-il donc? Quelle pauvreté monarchique! Fin de la note. La brochure fut saisie, l'imprimeur poursuivit. Il y eut une ordonnance de non-lieu. Parmi les critiques, les uns dirent que l'ouvrage aurait dû être intitulé « De la monarchie contre la charte » et les autres « De la monarchie selon ceux qui ne veulent ni monarchie, ni charte, mais l'ultra-aristocratie ». 6 novembre, secrétaire provisoire de la Chambre des Pairs à l'ouverture de la session. Il n'est point confirmé. 23 novembre, il propose au père de faire une adresse au roi, pour le supplier humblement de faire examiner ce qui s'est passé aux dernières élections. Il appuya sa proposition d'un grand nombre de documents justificatifs. Et cependant elle fut repoussée par la Chambre. Les mélanges de politique parurent dans le courant de cette année, chez le Normand, deux parties in 8e, tome 25 de l'édition commencée en 1826, 1828, œuvre de 1836, tome 5. 1817, 22 février, opinion sur le projet de loi relatif aux journaux. Tout en combattant la censure, il la propose pour les nouvelles étrangères, et demande qu'on introduise dans la loi l'amendement que voici. Dans certains cas et pour certains délits, les journaux et écrits périodiques, autorisés par le roi, pourront être suspendus pendant 24 heures au moins, et 3 jours au plus, par l'autorité administrative. Mais ils ne pourront être définitivement supprimés qu'en vertu d'un jugement rendu par les tribunaux, sur la poursuite du procureur général. Quel singulier ami de la liberté de la presse! La première édition a été imprimée par ordre de la Chambre, la seconde, in 8e de 40 pages, parue alors chez le Normand. Édition de 1826, tome 23. Édition de 1836, tome 5, page 338. 21 mars, opinion sur le projet de finances et spécialement sur l'affectation de tous les bois de l'État à la caisse d'amortissement. Le noble père vote contre le projet, déclarant regretter de ne pouvoir protester contre la décision de la Chambre, dans le cas où elle adopterait la loi. Première édition, Didot. Deux éditions, Le Normand. In 8e de 36 pages, édition des œuvres de 1836, tome 23. Édition des œuvres de 1836, tome 5, page 346. Avril, Le portrait de Monsieur de Chateaubriand, gravé par Legier d'après le tableau de Giraudet, est publié à Paris et à Londres en même temps. Il fait partie de l'iconographie de Madame Delpech, quoiqu'il ne ressemble plus aujourd'hui. Voir La Tribune de l'art.com à propos des portraits de Chateaubriand. 31 août. Ordonnance royale portant que pour les personnages y dénommés, parmi lesquels est Monsieur de Chateaubriand, le titre de vicomte sera uni à la pairie, et qu'ils en jouiront eux et leurs successeurs à la pairie. Louis XVIII n'avait donc pas conservé d'humeur contre l'auteur de la monarchie selon la charte. 11 novembre. Élu secrétaire du 6e bureau de la Chambre, comité des pétitions. Décembre. Du système politique suivi par le ministère, in nuit de 64 pages, Le Normand, édition de 1826 tome 25. 1828, édition de 1836, tome 5, page 152. Tel est le titre d'une brochure que publie Monsieur de Chateaubriand pour démontrer que les ministres seuls retardent l'union de tous les Français, et non les vrais royalistes. Messieurs de Chateaubriand et de Villèle entre autres. Voici un de ces avis que l'écrivain donnait alors aux excellences du jour, et qu'il est toujours utile de reproduire. L'atmosphère des cours a quelque chose qui porte à la tête et change l'aspect des objets. Toutefois, ceux qui ont vu Bonaparte dans ses succès, les rois de la terre formant son cortège, 800 000 soldats, et quels soldats, soutenant sa couronne, tous les talents travaillant à immortaliser sa mémoire, savent combien il faut se défier du sourire de la fortune. Page 63. 1818, 19 janvier. Opinion sur le projet de loi contre la liberté de la presse, in 8e de 32 pages, chez Le Normand. Œuvre de 1826, tome 23. Œuvre de 1836, tome 5. Page 356. L'orateur vota contre le projet. Mais il vota pour un amendement dans lequel se trouvait cette disposition. Sont considérées comme publication, soit la distribution de tout ou partie de l'écrit, soit le dépôt qui en a été fait. 2 mars. Opinion contre le projet de loi de recrutement, in 8e de 28 pages. Deux éditions chez Le Normand, œuvre de 1826, tome 23 et œuvre 1836, tome 5, page 364. Basé sur la promesse faite d'abolir la conscription, la Chambre ordonne l'impression. 14 mai, propose à la Chambre de voter sans discussion la loi sur les finances, attendu que des amendements feraient renvoyer la loi aux députés déjà partis pour leur département. Mai-juin, note secrète, Paris, Foulon et compagnie, 1818, cette note secrète, qui fut publiée en 1818, était une amplification de celles adressées, au mois d'août 1816 et au mois d'août 1817, par on ne sait quel personnage, aux quatre cours alliés. L'auteur demandait au souverain d'intervenir auprès de Louis XVIII pour l'obliger à adopter des ministres royalistes et de meilleurs moyens que ceux qu'on employait pour royaliser la France. Cette note était l'œuvre d'un de ces furieux de royalisme qui voulait refouler la France au commencement du XVIIIe siècle, et qui invoquait le concours des étrangers pour y parvenir. Les uns accusèrent de cette trahison nationale Monsieur de Lally-Tollendal, les autres de Monsieur de Chateaubriand. Le Times nomma ce dernier, qui s'empressa de faire annoncer dans le journal des débats et dans le Moniteur qu'il allait poursuivre le journaliste en calomnie. Celui-ci offrit d'admettre dans ses colonnes la dénégation du père de France, La dénégation y fut insérée, et il n'y eut ni poursuite, ni procès, parce que les légistes de Londres répondirent que la loi anglaise ne ferait pas raison à monsieur de Chateaubriand. 31 juillet, on avait arrêté le général Canuel, on ne parlait que d'une conspiration ultra-royaliste. Monsieur de Chateaubriand publia alors ses remarques sur les affaires du moment, in huitième de 36 pages, chez le Normand, œuvre de 1836, tome 5, page 166. Tout homme qui jouit de quelque liberté, dit-il, est obligé, en conscience, de s'en servir pour éclairer l'opinion publique. C'est pourquoi je fais paraître cette réclamation. L'auteur défend les hommes de la conspiration divulguée. Il fait l'apologie de la note secrète, dans laquelle il ne voit autre chose qu'une demande de changement de ministre. Page 21 à 29 de l'édition de 1818. Ce que cet opuscule a de plus frappant, c'est ce pronostic qu'on trouve à la page 13. La charte est plus forte que nous. Quiconque voudra la détruire sera détruit par elle. Octobre à décembre, Monsieur de Chateaubriand a fait un grand nombre d'articles politiques pour le journal des débats, tous écrits dans l'esprit de la faction monarchique à laquelle il avait eu la faiblesse de se livrer. En 1818, il composa des vers écrits sur un souvenir, œuvre de 1836, tome 4, page 1, 12, fonda le Conservateur, l'Dem, tome 5, page 258, voyez 1820, dont l'épigraphe était « Le roi, la charte et les honnêtes gens » et publia « Du système politique suivi par le ministère » In huitième, chez Ormand, édition de 1826, tome 25, 1828, œuvre de 1836, tome 5, page 152. 1819, 19 mars, nommé membre de la commission pour l'examen de la proposition de Monsieur le Comte de Castellane, tendant à la révocation de la loi du 9 novembre 1815, sur l'écrit et écrit séditieux. Mars. Discours sur cette proposition. Monsieur de Chateaubriand l'avait préparé, mais il ne put être prononcé en raison de l'ajournement de la discussion par la Chambre, œuvre de 1826, tome 23, œuvre de 1836, tome 5, page 373. 18 octobre, fondation de l'infirmerie de Marie-Thérèse, pour des femmes et pour des prêtres vieux et infirmes, par Madame de Chateaubriand, et non, comme on l'a dit, par Madame la Duchesse d'Angoulême. Il y a plus de 50 lits. L'infirmerie est placée sous la direction de sa fondatrice, qui la dirige, de la maison qu'elle a achetée tout auprès. Monsieur et Madame de Chateaubriand ont donné cet établissement à l'archevêché de Paris, pour en jouir après leur mort. Au mois de février de la même année, il avait composé une notice biographique sous ce titre, sur la mort de Monsieur de Saint-Marcellin, idem tome 3 idem tome 4, page 684. La vie de cet officier, à peine âgé de 28 ans, était de peu d'importance, mais sous la plume de l'écrivain, elle prend un intérêt de tristesse indéfinissable. Pendant l'année, il fournit un grand nombre d'articles à la rédaction du Conservateur. 1820, 4 mars, le Moniteur, extrait du journal des débats, annonce que Monsieur de Chateaubriand a été spécialement chargé d'écrire l'avis de Monsieur le Duc de Berry, et que déjà on lui a envoyé tous les documents nécessaires. Quelques mois suffirent à monsieur de Chateaubriand, et il fit paraître, mémoire, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de S.A.R. Monseigneur le duc de Berry. Un exemplaire de ses mémoires, œuvre de partie plus que d'histoire, fut placé dans la tombe du prince, et l'auteur reçut de Madame la Duchesse de Berry une médaille d'or, ornée de son portrait et de celui du duc, et renfermant des cheveux de tous les deux. Paris, Le Normand. Œuvre de 1826, tome 3. Œuvre de 1836, tome 4, page 595. L'ouvrage, dans cette dernière collection, est accompagné de pièces justificatives qui ne sont pas dans l'édition de 1820. 25 mars. Opinion contre le projet de loi de la suspension de la liberté individuelle. Cette opinion ne put être prononcée, la discussion ayant été fermée. Œuvre de 1826, tome 23. Œuvre de 1836, tome 5. Page 376. Le vote du noble père avait pour motif que la suspension de la liberté individuelle ne suffirait pas pour arrêter les efforts des révolutionnaires. Août, la session étant terminée, monsieur de Chateaubriand part pour les bains de mer de Dieppe. Les autorités et les personnes les plus recommandables de la ville s'empressèrent de le visiter. Octobre, membre du conseil d'administration chargé de diriger l'exécution de la médaille du duc de Bordeaux, médaille destinée à perpétuer le souvenir de la naissance de ce prince. Novembre, membre de la commission pour la souscription relative à l'achat du domaine de Chambord, pour en offrir l'hommage au duc de Bordeaux. Novembre, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire en Prusse, en remplacement du marquis de Bonnet, rentrant en France, sur sa demande, pour cause de santé. Monsieur de Chateaubriand n'eut son audience de congé du roi que le 26 décembre. Il est probable que le ministère était bien aise de l'éloigner. 1er décembre. Madame la Duchesse de Berry a honoré de sa visite, vendredi dernier, 1er décembre, l'infirmerie de Marie-Thérèse. Monsieur de Chateaubriand lui a demandé la permission de lui offrir de l'eau du Jourdain, qu'il a lui-même puisée dans le fleuve. Cette eau, parfaitement conservée, est renfermée dans un de ces vases de fer blanc que les pèlerins prennent au couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem, et qui, scellé avec du plomb fondu, ne laisse aucun passage à l'air extérieur. Monsieur de Chateaubriand a encore fait hommage à la princesse, au nom d'un voyageur anglais, Monsieur Jolive d'un petit flacon de verre également rempli d'eau du Jourdain. Madame la Duchesse de Berry a daigné agréer la double offrande, pour servir au baptême de Monseigneur le Duc de Bordeaux. Note. Napoléon refusa, dit-on, pour le roi de Rome. L'eau acceptée plus tard pour le duc de Bordeaux. Mais ce serait moins à ce refus qu'il faudrait attribuer la haine du célèbre voyageur qu'à une mauvaise plaisanterie de Napoléon, qui aurait désigné monsieur de Chateaubriand, plusieurs fois, assure-t-on, par cette épithète blessante par l'intention. Le porteur d'eau du Jourdain. Fin de l'extrait des pages 30 à 45 de la biographie des hommes du jour, volume 3, deuxième partie aux éditions Henri Crabbe de 1837.